بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ta, Sin, Mim. Voici les signes du livre explicite. Natlu alayka min naba'i Moussa wa Fir'aun bil haqq li qawmin yu'minun. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Nous te racontons, en toute vérité et à l'intention des gens qui croient, une partie de l'histoire de Moïse et Pharaon. Pharaon s'était érigé en despote arrogant sur terre et avait divisé son peuple en clans. Il opprimait l'un d'eux, dont il faisait tuer les enfants mâles, tout en épargnant les femmes. Il était vraiment de ceux qui sèment la corruption. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur terre et faire d'eux des exemples à suivre et des héritiers. Nous voulions les établir fermement sur terre et réaliser sous les yeux de Pharaon, de Haman et de leurs troupes, ce qu'ils redoutaient tant de leur part. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Et nous révélâmes à la mère de Moïse, allaite-le, et quand tu craindras pour sa vie, jette-le dans le flot. N'aie nulle crainte et ne t'afflige pas. Nous te le rendrons et ferons de lui l'un de nos messagers. C'est ainsi que la femme de Pharaon recueillit cet enfant, qui plus tard allait devenir pour eux un ennemi et une source d'affliction. Certes, Pharaon, Haman et leurs troupes étaient d'impétinents pécheurs. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. La femme de Pharaon dit: cet enfant sera une consolation pour moi et pour toi. Ne le tue pas, il pourrait nous être utile, ou peut-être le prendrons-nous pour fils. Il ne pressentait rien. Et le cœur de la mère de Moïse devint vide, au point où peu s'en fallut qu'elle ne divulgua tout, mais nous renforçâmes son cœur pour qu'elle reste du nombre des croyants. Elle dit à la sœur de Moïse: suis-le. Alors cette dernière observa son frère de loin, sans qu'il ne s'en rende compte. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Puis nous fîmes en sorte qu'il refuse le sein de toute nourrice. Alors la sœur de Moïse dit aux gens de Pharaon: puis-je vous indiquer une famille qui s'en chargera pour vous et prendra soin de lui? C'est ainsi que nous le rendîmes à sa mère, afin qu'elle soit réconfortée et qu'elle ne s'afflige plus, et afin qu'elle sache que la promesse de Dieu est vraie. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Et lorsqu'il eut atteint sa maturité et sa pleine vigueur, nous lui donnâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Un jour, il entra dans la ville à un moment où ses habitants avaient relâché leur vigilance. Il y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans, tandis que l'autre faisait partie d'un groupe ennemi. L'homme de son parti l'appela au secours contre l'ennemi commun. Alors Moïse asséna à cet ennemi un coup de poing qui l'acheva. Puis il se dit: c'est là l'œuvre de Satan, ennemi juré des humains, qu'il se plaît à égarer. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Et s'adressant à Dieu, il dit: Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Alors Dieu lui pardonna, car c'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Puis Moïse dit: Seigneur, puisque tu m'as ainsi favorisé, jamais plus je ne soutiendrai les criminels. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Le lendemain matin, il se trouva en ville, craintif et regardant de tous côtés, quand soudain, celui qui la veille l'avait appelé au secours, l'appela à nouveau, à grands cris. Moïse lui dit « Tu es décidément un égaré ». Et il allait s'attaquer à nouveau à leur ennemi commun, lorsque ce dernier s'écria « Ô Moïse, veux-tu donc me tuer comme tu as tué un homme hier ? Tu ne serais alors qu'un tyran sur terre, et non un homme de bien. » أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. C'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit Ô Moïse, les notables sont en train de se concerter à ton sujet et ta mort est déjà décidée. Quitte la ville, c'est un conseil sincère que je te donne. Alors Moïse s'enfuit, craintif et sur le qui-vive. Il dit « Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. » ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Et lorsqu'il se dirigea en direction de Madian, il dit Peut-être mon Seigneur me guidera-t-il sur le droit chemin. Quand il arriva au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens qui abreuvaient leurs bêtes. Il y trouva également deux femmes qui se tenaient à l'écart, en retenant leurs troupeaux. Il leur dit « Que faites-vous ici ?» Elles répondirent « Nous ne pouvons abreuver nos troupeaux qu'après le départ de ces bergers. Notre père est fort âgé. » Alors il abreuva les bêtes pour elles. Puis se retira à l'ombre et dit « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu fais descendre vers moi. » قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. L'une des deux femmes revint alors à pas timide vers lui et lui dit « Mon père t'appelle auprès de lui. Il aimerait te récompenser pour avoir abreuvé les bêtes pour nous. » Moïse se rendit auprès du vieillard et lui raconta toute son histoire. Le vieillard lui dit « Tu n'as plus rien à craindre. Te voilà délivré de ce peuple injuste. » Alors, l'une des deux femmes dit « Ô mon père, engage-le à ton service. » Car le meilleur homme que tu puisses engager est celui qui est fort et digne de confiance. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ Il dit, « Je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service pour une durée équivalente à 8 ans. Si tu veux en prolonger le délai jusqu'à 10, ce sera de ton propre gré, car je ne veux rien t'imposer d'excessif. Si Dieu le veut, tu trouveras en moi un homme de bien. » Moïse répondit, « Voilà qui est convenu entre nous, quel que soit celui des deux termes que j'accomplirai, qu'il n'y ait aucune injustice contre moi, et Dieu est garant de ce que nous disons. » فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ Puis au terme du délai convenu, Moïse se mit en route avec sa famille. Il aperçut un feu du côté du mont Sinaï. Il dit aux siens, « Attendez-moi ici, j'ai vu du feu au loin. Peut-être en rapporterai-je une information. » ou du moins un tison, pour que vous vous réchauffiez. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ Lorsqu'il y fut arrivé, il s'entendit appeler du flanc droit de la vallée, dans le site béni de Dieu. La voix provenait de l'arbre. « Ô Moïse, c'est moi, Dieu, le Seigneur des mondes. Jette ton bâton par terre. » Mais quand il vit son bâton se tordre comme un démon, il se tourna aussitôt pour s'enfuir précipitamment. Mais la voix lui dit, « Ô Moïse, approche et ne crains rien. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Plonge ta main dans l'ouverture de ta tunique, et l'en ressortira d'une blancheur éclatante, mais sans aucun mal. Et serre ton bras contre toi pour dissiper ta peur. Voilà donc deux preuves de ton Seigneur pour Pharaon et ses notables. Ce sont vraiment des pervers. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Seigneur, dit Moïse, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. Mon frère Aaron est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi pour qu'il m'aide à confirmer mes propos. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. Dieu dit, soit. Nous allons par ton frère te rendre plus fort, et nous vous donnerons à tous deux un pouvoir tel qu'ils ne pourront vous atteindre. Et grâce à nos signes, vous serez de même que ceux qui vous suivent, les grands vainqueurs. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Mais quand Moïse vint à eux avec nos signes évidents, ils dirent: ce n'est là que magie inventée. Jamais nous n'avons entendu parler de cela chez nos ancêtres. Moïse dit, mon Seigneur connaît mieux que quiconque celui qui l'a envoyé avec la bonne voie à suivre, et à qui reviendra la demeure finale. En vérité, les injustes ne réussiront jamais. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. Alors Pharaon dit, ô notable, je ne vous connais pas d'autre divinité que moi. Ô Haman, allume-moi le four à briques, puis construis-moi une tour afin que je puisse monter jusqu'au Dieu de Moïse. Mais je pense en vérité qu'il est du nombre des menteurs. lui et ses troupes s'enflèrent d'un orgueil démesuré sur cette terre, et ce, sans aucun droit. Et ils pensaient que jamais ils ne seraient ramenés vers nous un jour. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. Nous le saisîmes donc, ainsi que ses soldats, et les jetâmes à la mer. Vois donc quelle a été la fin des injustes. Et nous fîmes d'eux des guides, appelant les gens vers le feu. Au jour de la résurrection, ils ne seront point secourus. Et dans cette vie, ils ont été poursuivis de notre malédiction, tandis qu'au jour de la résurrection, ils seront parmi les enlaidis. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. Nous avons effectivement donné le livre à Moïse, après avoir fait périr les générations anciennes, comme appel à la clairvoyance, guidance et miséricorde pour les gens. Peut-être se rappelle-t-il. Tu n'étais pas sur le versant ouest du mont Sinaï quand nous avons exposé les commandements à Moïse. Tu n'étais pas parmi les témoins. Mais nous avons fait naître de nouvelles générations dont l'âge s'est prolongé et tu n'as pas vécu non plus parmi les gens de Madian, leur récitant nos signes. Mais c'est nous qui envoyons les messagers. كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير Et tu n'étais pas non plus sur le flanc du monteau quand nous avons appelé Moïse. Mais la connaissance de ces faits est une miséricorde de la part de ton Seigneur, afin que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu. Peut-être prêteront-ils attention. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍ كَافِرُونَ. Autrement, s'ils étaient affligés d'un malheur en conséquence de leur œuvre, ils diraient « Notre Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé de messagers ? Nous aurions suivi tes signes et aurions été croyants. » Mais lorsque la vérité émanant de nous leur est parvenue, ils ont dit « Pourquoi n'a-t-il pas reçu la même révélation que Moïse ? Et pourtant, n'ont-ils pas rejeté ce qui avait été donné à Moïse par le passé ?» Disant « Deux magies se sont mutuellement soutenues. » Ils ont ajouté « Nous ne croyons ni en l'une ni en l'autre. » قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Dis-leur, apportez donc une écriture venant de Dieu qui soit un meilleur guide que ces deux-là, et je la suivrai si vous êtes véridiques. Et s'ils ne te répondent pas, sache alors qu'ils ne font que suivre leurs passions, et qui est plus égaré que celui qui s'en tient seulement à ses passions, sans être guidé par Dieu. Dieu ne guide jamais les injustes. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. Nous leur avons déjà fait parvenir notre parole afin qu'elle leur serve de rappel. Ceux à qui nous avions donné les Écritures avant le Coran croient à ce dernier. Et quand on le leur récite, ils disent « Nous y croyons ». Il s'agit bien de la vérité émanant de notre Seigneur. Avant même sa révélation, nous étions soumis à Dieu. Voilà ceux qui recevront une double récompense pour leur patience, pour avoir répondu au mal par le bien et pour avoir dépensé en charité de ce que nous leur avons attribué. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent en disant « À nous nos actions et à vous les vôtres. Que la paix soit sur vous », puis en eux-mêmes se disent « Nous n'avons rien à voir avec les ignorants. » Tu ne guides pas celui que tu aimes, c'est plutôt Dieu qui guide qui il veut, et il connaît le mieux ceux qui sont dans la bonne voie. Et les Mécois disent « Si nous suivons la bonne voie avec toi, nous serons arrachés de nos terres. N'avons-nous pas établi pour eux une enceinte sacrée, sûre, où par notre grâce, des produits de toutes sortes sont apportés pour leur subsistance ?» Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Et combien de cités avons-nous détruites parce qu'elles n'étaient point reconnaissantes de l'abondance dont elles jouissaient. Et leurs demeures sont toujours là, mais ne sont plus habitées, à l'exception de quelques-unes. Et c'est nous qui en fûmes les héritiers. Et jamais ton Seigneur n'a détruit de cité avant d'avoir envoyé en leur centre un messager pour leur réciter nos signes. Et nous ne détruisons des cités que lorsque leurs habitants sont injustes. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. Tout ce qui vous a été donné ici-bas est une jouissance éphémère et sa parure. Mais ce qui est auprès de Dieu est meilleur et plus durable. Ne comprenez-vous donc pas? Celui à qui nous avons fait une belle promesse, dont il verra l'accomplissement, est-il comparable à celui que nous avons comblé de bien en ce monde, et qui, le jour de la résurrection, devra comparaître devant nous? وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أن Et le jour où il les appellera, il dira « Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés ? Ceux contre qui nos décrets se seront réalisés répondront « Voici, Seigneur, ceux que nous avons égarés comme nous nous sommes égarés nous-mêmes. Nous les désavouons devant toi. Ce n'est pas nous qu'ils adoraient. » Et on leur dira « Appelez vos prétendus associés de Dieu. Ils les appelleront, mais ceux-ci ne leur répondront pas. Et quand ils verront le châtiment imminent devant eux, ils souhaiteront alors avoir suivi le droit chemin. <t'en> أنتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. Et le jour où il les appellera et leur demandera: qu'avez-vous répondu aux messagers? Ce jour-là, ils seront tellement embarrassés qu'ils ne trouveront plus d'arguments et ne se poseront plus de questions. Celui qui se sera repenti, qui aura cru et fait le bien, sera peut-être parmi ceux qui auront réussi. سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit ce qu'il veut. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Dieu, il transcende ce qu'il lui associe. Ton Seigneur sait ce que dissimule leur poitrine et ce qu'il divulgue tout haut. C'est lui, Dieu, nul Dieu que lui, à lui les louanges ici-bas comme dans l'au-delà. C'est à lui qu'appartient le commandement, et c'est vers lui que vous serez ramenés. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Dis, que diriez-vous si Dieu faisait durer la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre que Dieu pourrait vous apporter de la lumière? N'entendez-vous donc pas? Dis, que diriez-vous si Dieu faisait durer le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre que Dieu pourrait vous apporter la nuit pour que vous vous reposiez? Ne voyez-vous donc pas? وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. C'est par sa miséricorde qu'il vous a assigné la nuit et le jour, l'une pour que vous vous reposiez, et l'autre pour vous permettre d'aller en quête de sa grâce. Peut-être lui serez-vous reconnaissant. Et le jour où il les appellera et leur demandera: où sont ceux que vous prétendiez être mes associés? Ce jour-là, Nous ferons surgir un témoin de chaque communauté et dirons à chacun « Apportez votre preuve ». Ils sauront alors que la vérité ne se trouve qu'en Dieu et tout ce qu'ils avaient inventé les abandonnera. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. En vérité, Corée appartenait au peuple de Moïse. Il était violent envers eux. Nous lui avions donné tant de trésors que le poids des seules clés des coffres qui les renfermaient constituait un véritable fardeau pour toute une troupe d'hommes bien vigoureux. Son peuple lui dit. « Ne te réjouis point, car Dieu n'aime pas les arrogants. Et recherche à travers les biens que Dieu t'a donnés la demeure dernière, sans toutefois oublier ta part en cette vie, et sois bon envers autrui comme Dieu l'a été envers toi. Et ne cherche pas des occasions de semer la corruption sur terre, car Dieu n'aime point ceux qui sèment la corruption. » قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Il répliqua : Je ne dois tout cela qu'à mon seul savoir. Ne savait-il pas que Dieu avait détruit avant lui des générations d'hommes bien plus forts et bien plus riches que lui. Les criminels ne seront même pas interrogés sur leurs péchés. Puis il sortit devant son peuple dans tout son apparat. Ceux qui aimaient la vie présente dirent « Ah, si seulement nous possédions les mêmes choses que celles qui ont été données à Corée. Il est le maître d'une immense fortune. » وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من Mais ceux qui avaient reçu le véritable savoir répliquèrent « Malheur à vous, la récompense de Dieu est bien meilleure pour celui qui croit et fait le bien, mais seuls ceux qui sont patients la recevront. » Puis soudain, nous fîmes en sorte que la terre s'entrouve et les engloutisse, lui et son palais. Il n'eut alors aucune armée pour le secourir contre Dieu, et il fut incapable de se secourir lui-même. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui la veille avaient souhaité être à sa place se mirent à dire « Ah, il est vrai que Dieu augmente ou restreint la subsistance de qui il veut parmi ses serviteurs. Et n'eût été sa bonté envers nous, nous aurions été engloutis, nous aussi. Ah, il est vrai que les mécréants ne réussissent jamais. » تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Quant à la demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à semer la corruption. L'heureuse fin appartient aux pieux. Quiconque viendra avec une bonne action sera récompensé avec mieux encore, et quiconque viendra avec une mauvaise action, qu'il sache que ceux qui commettent de mauvaises actions ne seront rétribués que selon ce qu'ils auront commis. أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. Certes, celui qui t'a imposé pour mission de prêcher le Coran te ramènera sûrement à ta destination première. Dis, mon Seigneur sait mieux distinguer entre celui qui appelle au droit chemin et celui qui est dans un égarement évident. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Tu n'espérais nullement que ce livre te serait révélé. Il l'a été par une miséricorde de ton Seigneur. Alors, ne te fais jamais l'allié des mécréants. Et ne laisse pas ces derniers te détourner des signes de Dieu après qu'ils te soient parvenus. Appelle les gens vers ton Seigneur et ne sois pas de ceux qui lui attribuent des associés. N'invoque aucune autre divinité avec Dieu, nul Dieu que lui. Tout doit périr à l'exception de son visage. C'est à lui qu'appartient le commandement, et c'est vers lui que vous serez ramenés.